chez cette allure, ma voix, mon sourire câlin. Monsieur de ma Georges, vous jure que je n'ai rien de masculin. Quoi, vous êtes toujours perplexe et vous doutez de moi, major. Vous ne croyez pas en mon sexe et que puis-je vous dire encore? Faut-il en cette conjoncture et pour vous rendre bien certain? Non, la vraie major, je vous jure que je n'ai rien de masculin.